Micro ouvert. On s'est dit, ce serait bien pour le spectacle, uniquement pour le spectacle, hein, on n'est pas en formation syndicale non plus, d'avoir un bouquin à vous faire connaître qui recenserait à peu près clairement un truc simple pour comprendre le droit du travail, parce que c'est un truc qui est peut-être volontairement assez compliqué, du genre qu'on nagerait dedans. Et donc on en a cherché un, on a pas mal cherché, et puis on en a trouvé un qu'on trouve assez pratique. Très pratique à transporter. En fait, c'est un bouquin où il y a toute la liste de nos droits. C'est un bouquin sympa et en plus qui représente deux avantages très conséquents. Vous l'avez quasiment tous chez vous à la maison. Et en plus, il fait qu'une page. Alors, c'est le seul livre où on lit uniquement directement la fin. Et on a en gros rien à battre de tout ce qu'il y a avant. Messieurs, la fiche de paye. Mesdames, le bulletin de salaire. Alors vite fait, on va essayer de découvrir cette petite bête-là ensemble. Ce qu'on aime bien, nous, dans une façon de lire sa fiche de paye, ce serait que ce serait la liste de tous les droits auxquels vous cotisez. D'accord? Tous les droits auxquels vous cotisez et qu'on va parcourir. Vite fait, bien fait, vous pourrez lire la vôtre ce soir en rentrant. Mesdames et messieurs, du haut de cette fiche de paye, un siècle de bagarre vous contemple. On va commencer par un truc assez simple, donc c'est la mienne, hein, novembre 2009. Combien je gagne? Hein? Combien je gagne? 1603 euros. Ça, c'est donc mon net. C'est l'argent qui me tombe dans la poche. À la fin du mois, ça n'est donc pas ce que je gagne. D'accord? C'est bien le problème. C'est bien le problème et c'est bien tout l'enjeu du combat sur les retraites. C'est que je ne gagne pas 1600 euros par mois. Je gagne 2058 euros par mois de salaire brut. Et je cotise un certain nombre de droits, ainsi que mon collègue employeur d'ailleurs, qui cotise lui aussi, ça s'appelle des cotisations patronales. Et le seul chiffre qui n'apparaît nulle part sur cette fiche de paye, c'est la totalité de ce que rapporte, de ce que vaut ma force de travail. Sur quasiment aucune fiche de paye, vous avez l'addition du salaire brut et des cotisations patronales qui se lèvent pour ma part à 873 euros. Ma force de travail vaut donc 3000 euros par mois. Eh oui. Ça va ? Donc ça apparaît quasiment jamais. Mais oui, peut-être qu'ils ne voudraient pas qu'on y pense de trop. Non, ouais. Ça pourrait nous donner des idées. Alors, la sécu. Tout le monde connaît bien la sécu. L'idée, c'est de vérifier nos droits ensemble. Les droits qui sont issus du salaire. Vous vous rappelez la sécu? Vous savez qu'elle était unique au début. Il y en a qui connaissent cette histoire. Non ? Ah ben, à la Libération, le patronat ayant massivement collaboré, ayant dès 1932 les grandes entreprises nationales françaises, Schneider, etc., les banques ayant négocié avec Hitler cette défaite qui n'est tout sauf une défaite militaire, etc., enfin je veux dire, le patronat ayant collaboré massivement, il a juste à fermer sa gueule. Et en 1945, on arrache tout ça, tout. Et on arrache notamment la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance contre tous les risques de la vie. Tous les risques de la vie. On est limite dans un État socialiste. D'accord ? Et c'est une caisse unique. Elle n'est pas encore découpée en différentes branches. Ça va être le début de la destruction du système. D'accord ? C'est une caisse unique contre tous les risques de la vie. Mais attendez, vous avez un patronat qui a juste le droit de se taire et vous avez un parti communiste à 24% qui est armé. Eh, attendez, là on a un PC à 1,9, mais je veux dire, actuellement dans la bagarre sur les retraites, on aurait un parti communiste armé à 24%, elle aurait une autre gueule la discussion sur les retraites, tu vois. Tu vois, 24% de communistes, tu vois, on touche pas aux retraites. Non, on touche pas, c'est bon. On peut même les descendre à 58 ans si vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle un rapport de force. La nature du capitalisme, c'est de la prédation, d'accord ? Moraliser le capitalisme, ça veut dire vous arrivez dans la jungle, puis vous avez un tigre qui arrive. Et là, vous lui dites « Couchez, Kiki !» C'est le tigre, il recule si t'es sur un éléphant avec un pétard comme ça et un parti communiste à 24%. Tu vois, tu dis... Vous savez combien d'attaques a connu la sécurité sociale depuis qu'elle est créée? Combien de destructions, de rognages, de détricotages? Combien? Plus, ce serait tranquille, ça ferait une cinquantaine. Ça ferait que 50. 88. Vous savez de quand à quand remonte la notion de trou de la sécu? Vous savez, le trou de la sécu. 80? 81? 76? 47. La première fois qu'on parle du trou de la sécu, 1947. Donc c'est un truc un peu usé, quoi. Ah, il marche toujours. Alors maintenant, ils mettent abyssal à côté, ça fait le trou de la sécu... Abyssal de la sécurité sociale, mais bon, ça tient quand même encore la route. Mais bon, ils nous l'attaquent. Alors, comment ils nous l'attaquent? D'abord, ils nous l'ont divisé en branches, donc, d'accord? On cotise donc séparément à chacune de ces branches. En réalité, l'obsession du capital, mais ça, c'est depuis deux siècles, c'est la modération salariale. C'est de ne surtout pas augmenter les salaires. Si vous avez écouté l'émission de Mermet sur la synarchie, je suis désolé pour ce... Société secrète dans les années 20 avec les grandes entreprises françaises, la Banque de France de l'époque recevait tous les gouvernements avant qu'ils soient nommés pour leur faire promettre qu'ils allaient avoir une politique de rigueur et ne pas augmenter les salaires. Et donc l'obsession du capital, c'est le, d'accord. Qui c'est qui a pété les salaires, qui a arrêté l'augmentation de salaire en 82 ? 83. Allez, 83, on a été de gauche 2 ans, on peut se garder 2 ans. Hein. Delors ! Delors ! Delors, mais alors il n'a pas appelé ça le gel des salaires, parce qu'on serait tous descendus dans la rue. Il a appelé ça la désinflation compétitive. Non, non, non à la désinflation compétitive ! Personne. Ça marche pas du tout, hein. Non, non, non, au bloc, cache des salaires, ça rime, tu vois. Non, non, non à la désinflation compétitive, tu vois. Bon. L'assurance chômage, d'accord ? J'aime bien ce nom. Assurance chômage. C'est comme une assurance bagnole, mais pour le chômage. D'accord ? C'est le principe en plus. C'est-à-dire que tu payes des cotises, puis si jamais il y a des salauds de patrons qui te filent plus de boulot, on te paye du chômage. T'as pris une assurance pour ça. Et donc c'est un droit. C'est un droit qui, normalement, je dis bien normalement, n'est pas monnayable, n'est pas négociable, il n'y a pas à avoir de contrat, il n'y a pas à jurer que vous cherchez du travail, tous ces trucs-là, d'accord ? C'est un droit constitutionnel, d'accord ? C'est-à-dire que si vous tombez au chômage, vous avez automatiquement le droit d'être indemnisé, d'accord ? Et donc, la prochaine fois que vous allez à Pôle emploi, vous dites, bon, on a vu le spectacle de Tanguy et Lepage, alors un, on prend le pognon, deux, on ne cherchera pas de travail, trois, ça va durer 20 mois, on prend des vacances, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que c'est un droit. Je ne vous promets pas que ça va marcher, mais... Mais c'est l'idée, parce que... Si ça marche pas, vous appelez sur son téléphone perso. Parce que depuis le PAR, d'accord, depuis... ça, c'est l'Union Européenne. Hein. Je veux dire, ils veulent absolument nous faire croire que c'est un contrat, qu'il faut qu'on passe un deal, d'accord. Il faut qu'on cherche vraiment... Vous savez qu'on ne dit plus un demandeur d'emploi, c'est fini, ils viennent de changer. Maintenant, on est prospecteur d'emploi. Parce que demander, c'était un peu trop facile. Demander, c'est facile, hein, excuse-moi. Ah. Nous avons presque tous perdu le sens de ce qu'est le salaire. C'est-à-dire ils ont réussi à nous faire croire que le salaire, c'est le prix de notre travail, c'est ce qu'on nous donne en échange de notre travail. Si je vous demande ce qu'est le salaire, et si vous avez autre chose à faire le soir que de lire des romans de Sciences Éco, okay, si je vous dis c'est quoi le salaire, bah, vous allez me dire, bah, le salaire, c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail, mais pas du tout. Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. D'accord ? Au 19e siècle, le patronat ne nous donnait que ça, et il voudrait ne nous redonner que ça. Mais qu'est-ce que vous faites exactement quasiment la même somme? Qu'est-ce que vous faites du salaire? Qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail? Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales que Sarkozy appelle les charges sociales? Bah, les charges. La totalité des hôpitaux en France, la totalité du personnel hospitalier est payée et pris sur les cotisations patronales, la cotisation maladie. Qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont au chômage. D'accord ? Et donc, ici je peux le dire parce que je suis plutôt lâche comme mec et là je suis loin, donc il faut être con comme un marin pêcheur du Guilvinec. Pour applaudir

juste un petit mot sur ce que l'on vient d'entendre. Eh bien, c'est Franck Lepage et sa bande qui ont créé des conférences gesticulées. Et voilà, c'est super intéressant à écouter. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça prend évidemment plus de temps pour bien comprendre toute cette logique. Hein. Alors évidemment, ce sont des infos françaises, mais c'est la même chose en Belgique. Hein. Et dans pas mal de pays d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, pour vraiment bien comprendre ce qui se passe, c'est vraiment intéressant d'écouter l'entièreté. J'avais aussi envie de rajouter un autre petit mot sur le micro ouvert qui va suivre. J'aurais aimé que ce soit un peu plus dynamique. Vous savez, la personne parle et puis voilà, je réagis à ce qui se dit, mais avec ce monsieur, eh bien, c'était pas vraiment possible. Bon, des fois, je lui faisais des petits signes pour lui dire j'aimerais bien réagir à ce moment-là, et c'est comme si ben ça pouvait plus s'arrêter. Voilà, bon, j'ai essayé quand même de réagir quelques fois pour bien comprendre ce qui se disait ou pour peut-être donner mon avis à moi, comment je voyais les choses. Bon, je le dis quand même, c'est pas ça, hein. Mais voilà, je suis pas complètement satisfaite de ce micro ouvert. D'ailleurs, je le tutoie, ce monsieur, je le vouvoie, je sais pas, ça doit être la canicule. Nous sommes au CRISP. C'est comme ça, ça fait un peu crispé comme ça, CRISP. Hein. Ça veut dire... Le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. C'est un centre qui existe depuis 1959 à Bruxelles. Ça a de l'histoire du coup alors. C'est pas un truc récent quoi. Non, effectivement, c'est un centre qui aura bientôt 60 ans, donc qui est assez bien connu dans le paysage politique belge et aussi au niveau culturel. Je pense que beaucoup de gens se réfèrent au CRISP, aux travaux que nous faisons. Beaucoup de gens aussi ont l'occasion de nous voir parfois en interview ou lors des soirées électorales à la télévision ou nous entendre en radio, par exemple. Et les analyses, les informations que nous pouvons apporter, la manière de décrypter, de décoder l'actualité politique, mais aussi de traiter de sujets économiques, de sujets sociaux, de questions culturelles, je crois, sont des éléments qui ont fait la renommée et la réputation du CRISP depuis maintenant presque 60 ans. Là, on démarre, voilà, hein. Il a une bonne réputation, le CRISP, c'est bien vu dans le paysage. Bah, je pense jusqu'à présent, ce qui est clair, c'est que il y a différents ingrédients qui permettent cela. On examine une variété de sujets, donc toujours avec l'optique de base du CRISP qui est d'analyser les mécanismes de prise de décision. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions en Belgique ou parfois qu'on ne les prend pas? Si on regarde le cas de l'avortement, pendant très longtemps, la décision qui était prise, c'était de ne pas légiférer en cette matière. Quels sont les acteurs qui interviennent aussi dans ces prises de décision? Quels sont les rapports de force qui pèsent? Et donc nous étudions aussi les élections, qu'il s'agisse des élections politiques ou des élections sociales dans les entreprises. Donc là, on couvre un champ quand même très large de thématiques avec différentes publications. Des courriers hebdomadaires, qui est la revue phare du CRISP et qui aujourd'hui compte plus de 2300 numéros, des numéros thématiques. On a aussi des dossiers de synthèse et qui portent notamment sur des sujets plutôt politiques, la négociation en politique, ou bien les rapports entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, ou bien des sujets plus à caractère culturel, d'économie, de la culture aussi, par exemple les festivals. On a publié un dossier aussi il y a un peu plus d'un an sur le livre, la manière dont le livre est une activité culturelle et une activité économique aussi, et comment de la création à son arrivée dans les bibliothèques publiques ou bien chez un particulier, met en jeu toute une série d'étapes, toute une série de processus, et en quoi aussi les pouvoirs publics interviennent pour soutenir la création, pour soutenir les bibliothèques publiques, et à différentes étapes encore. Un dossier plus récemment a fait un peu la même chose par rapport à la production cinématographique. Le cinéma aussi, c'est un enjeu à la fois culturel et économique très important. Et puis on a d'autres analyses, qui sont des analyses plus courtes, qui sont diffusées en ligne, notamment sur des questions d'actualité. Tout récemment, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on va vers la formation d'un parti comme En Marche en France, comme on vient de le voir avec Emmanuel Macron. Ça peut être un objet d'étude pour nous au CRISP. Et voilà, on a eu l'occasion d'en traiter et de mettre ça sur notre site internet. Parfois, ce sont aussi d'autres questions qui sont traitées. On a fait une analyse à l'époque sur les tunnels bruxellois pour revenir sur cette question, sur ces perspectives, ces tenants, ces aboutissants. On publie également des livres, parfois. Prochainement, on publiera un livre sur les cellules de reconversion, c'est-à-dire un dispositif tout à fait original, propre à la Wallonie, qui permet à des travailleurs qui ont subi un licenciement collectif ou une restructuration de leur entreprise de continuer à rester ensemble dans un processus après le licenciement pour se former, pour essayer de retrouver du travail et donc d'avoir une action qui reste encore collective et en même temps où chacun puisse essayer de développer ses propres caractéristiques, ses propres atouts. Donc voilà, on a une palette relativement large de publications à côté des interventions qu'on peut faire à la demande en conférence ou bien au niveau des médias par exemple. Bon, là, il y a plein d'infos que tu m'as données. C'est comment ton nom, ton prénom, directeur du CRISP en face de moi? Donc Jean Faniel, directeur du CRISP. Voilà, Jean Faniel. En fait, oui, moi, je ne suis pas vraiment là pour parler du CRISP, même si c'est tout intéressant ce que vous racontez maintenant. J'aurais plein de questions à poser. De ce que vous venez de dire, hein, mais bon, on va pas aller dans cette direction-là, si vous permettez. Moi, en fait, j'avais envie de vous rencontrer parce que, voilà, on m'a donné votre référence pour parler de la sécurité sociale, paraît-il. Vous avez vraiment bien planché là-dessus et vous pourriez répondre un peu à quelques questions que j'avais à la base. La première, c'était de se dire, mais tiens, le gouvernement actuel, en 2007, n'arrête pas de dire qu'il n'y a plus d'argent pour cette sécurité sociale, hein, qu'elle coûte cher. Voilà, j'avais envie que vous m'expliquiez un peu moi, je pense que ce n'est pas vrai. J'y vais carrément en parlant simplement. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Pour moi, il n'y a jamais eu autant d'argent, seulement il est mal distribué. Et puis, le gouvernement a un projet politique qui est tout à fait... qui n'est pas du tout social, quoi, c'est surtout ça. Et quand on dit social, moi, je ne parle pas de ce... Parce que dans l'aspect social, il y a le fait de s'occuper des autres, où il y a un terme comme ça pour dire social, oui, mais on n'est pas là pour s'occuper de toute la misère du monde. Ce n'est pas ça, pour moi, le social. Hein. Le social, c'est un mouvement qui est fort, qui s'est pris en main tout seul, qui a combattu et qui a créé... une solidarité, en fait. Voilà, et j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu ces histoires-là. Et puis, il y avait aussi, après on y reviendra, qu'on ait le temps de développer aussi cet aspect-là, c'est-à-dire comment ça se fait que tout ce mouvement comme ça, qui est fort, qui est indépendant, qui est autonome, qui s'est pris en main, maintenant, aujourd'hui, ça donne l'impression que c'est le gouvernement qui décide si oui ou non, on va plutôt mettre cette solidarité à tel endroit ou pas, quoi. Enfin, voilà. Ça va, on démarre comme ça, d'expliquer un peu comment est née cette sécurité sociale, quoi. De rappeler les bases. Alors, la sécurité sociale est une institution, et comme toutes les institutions, c'est une création humaine. C'est-à-dire que à différents moments, il y a des choix qui ont été posés et qui peuvent influencer la tournure que prennent les événements. Alors, si on regarde la sécurité sociale, elle plonge ses racines dans toute une série de directions. Donc, au XIXe siècle, La Belgique devient indépendante en 1830 et c'est d'emblée un État qui est dominé politiquement et économiquement par les couches possédantes de la société, propriétaires terriens, industriels ou éléments du capitalisme à caractère financier. Ceux qui ont l'argent, quoi, en gros. Ceux qui ont soit l'argent, soit les capitaux, soit les terres, et qui donc peuvent faire travailler les autres, soit comme paysans, soit comme ouvriers dans des fabriques. Et ce sont ces catégories sociales qui vont pendant longtemps faire le jeu politique au 19e siècle en Belgique. Il faut rappeler que le suffrage universel pur et simple, comme on l'appelle, sera ouvert aux hommes en 1919 et aux femmes en 1948. Donc on est là dans une situation qui pendant longtemps est une démocratie au sens parlementaire du terme, mais qui repose sur une part relativement restreinte de la population, et en l'occurrence celle qui économiquement est la plus favorisée, puisque pendant très longtemps, jusqu'en 1893, le droit de vote appartient uniquement à ceux qui payent un impôt, et l'impôt est alors calculé sur une certaine richesse. Donc concrètement, ce sont les gens qui ont une certaine fortune qui ont aussi le droit de voter. Alors c'est important à dire, quoi, parce que quelque part, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas, enfin on est sorti de cette idée aujourd'hui qu'on peut aller voter, enfin, mais c'est toujours les classes possédantes quelque part, enfin on y reviendra, mais voilà. Et donc on a une domination de la sphère politique, de la sphère économique par ces classes dominantes, qui en plus sont des classes dominantes francophones. Et donc on va avoir une double domination, à la fois sociale, socio-économique et linguistique. Et on va également voir émerger petit à petit deux mouvements. Se constituer d'abord, dès les années 1830-1840, hein, ce qui va devenir le mouvement flamand, qui est un mouvement qui demande plus d'autonomie, d'abord la reconnaissance de l'utilisation de la langue, les dialectes flamands, la langue néerlandaise un peu plus tard. Donc il va y avoir un premier combat pour plus de démocratie dans ce sens-là. C'est un mouvement donc qui est plutôt porté par les couches qu'on peut appeler les classes moyennes de la société flamande, qui sont des couches qui parlent le néerlandais, mais qui parlent évidemment aussi le français, puisque c'est la langue de l'administration, la langue de la politique, etc. Et puis va naître et se constituer un peu plus tard, toujours au 19e siècle, le mouvement ouvrier. Mouvement ouvrier qui va avoir différentes composantes, puisque les ouvriers vont s'organiser sous forme de coopératives, vont s'organiser sous forme de mutualités, vont également s'organiser, même si c'est interdit au XIXe siècle, sous forme de syndicats. Il faut se rappeler aussi que la syndicalisation, le droit de grève, sont interdits jusqu'en 1921 en Belgique. Et donc on a là un mouvement ouvrier qui va se constituer, et qui va se constituer avec à la fois plusieurs branches, coopératives, mutualités, syndicats, mais aussi avec des orientations idéologiques qui ne sont pas unanimes, qui ne sont pas les mêmes. On a des organisations socialistes qui vont se former, mais on va aussi avoir en réaction, en concurrence finalement, des organisations antisocialistes, comme elles se proclament parfois, et qui vont se subdiviser parfois entre organisations chrétiennes, qui aujourd'hui encore se retrouve dans ce qu'on appelle le mouvement ouvrier chrétien, et organisation parfois libérale aussi. On sait qu'en Belgique, on a un cas assez unique au monde de syndicat libéral qui se proclame libéral. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait rare et qui aujourd'hui a disparu à peu près partout ailleurs qu'en Belgique. Et ce mouvement ouvrier va pousser la bourgeoisie et les classes dominant la Belgique du 19e siècle à une certaine ouverture, à la fois sur la législation sociale, mais aussi en faveur du droit de vote, en faveur du suffrage universel, un homme, une voix. Cette poussée, elle va se faire à travers des mouvements sociaux importants. On retient généralement 1886 comme moment fondateur de l'histoire sociale de Belgique, puisque ce sont de véritables émeutes, un mouvement social tout à fait important, spontané, notamment dicté par la faim, parce que les gens ont faim, hein, c'est dans ce sens-là que je le dis, qui va être donc vraiment une explosion de colère sociale. Les classes dominantes vont réagir comme on le fait à l'époque. Donc d'abord, on donne la troupe, il y a des morts, et puis ensuite, on réfléchit et on se pose des questions sur les origines du mouvement. Et le mouvement de 1886 est tout à fait fondateur en cela aussi qu'il va lancer de toutes premières réformes sociales sur la réglementation du travail des femmes et des enfants, notamment dans les mines, par exemple, ou bien sur la manière de payer les ouvriers, puisque souvent le paiement se faisait en nature et pas toujours en salaire. Donc on a une certaine amélioration de la situation de la classe ouvrière, encore très timide à l'époque, hein, cette amélioration qui va découler de ce grand mouvement de 1886. Peu à peu aussi, le mouvement ouvrier va s'organiser, se structurer. Le Parti ouvrier belge, qui a été créé en 1885 par des coopératives, par des mutualités, par des sociétés à caractère politique, par quelques syndicats également, va progressivement chercher à structurer la classe ouvrière. Il est très surpris lui-même par l'explosion de colère sociale de 1886. Le Parti ouvrier belge et ses dirigeants sont très surpris en 1886, mais à partir de là, ils vont essayer d'organiser, de structurer le mouvement ouvrier. Et donc ça veut dire aussi, évidemment, avec la double dimension que Marcel Lippmann a très très bien mise en évidence dans son ouvrage sur les origines du Parti ouvrier belge entre 1885 et 1914, il montre que le Parti ouvrier belge a à la fois discipliné la classe ouvrière, l'a organisée, mais donc aussi a pris une certaine emprise sur la classe ouvrière, et en même temps aussi a organisé la lutte de manière à la mener à la victoire dans certains cas, et notamment pour faire avancer le droit de vote en 1893, et alors vers le suffrage universel pur et simple après la Première Guerre mondiale. Cela va se faire notamment au moyen de grandes grèves générales qui sont organisées de manière assez méticuleuse, assez maîtrisé par le Parti ouvrier belge et les différentes organisations qui sont autour de lui. Ce sont trois grandes grèves que l'on va voir en 1893, qui va conduire à un changement dans le mode de suffrage, en 1902 et en 1913. Dans tous les cas, on a des mouvements massifs avec plusieurs centaines de milliers de grévistes et de personnes qui défilent dans les rues. Ça va clairement être une des raisons du changement de l'élargissement du droit de vote en 1893. En 1902 et 1913, ça ne va pas porter des fruits de manière directe. Il faudra attendre après la Première Guerre mondiale pour que le suffrage universel devienne véritablement universel, pur et simple, un homme, une voix, mais pas encore pour les femmes à cette époque-là. Et donc là, le Parti ouvrier belge, avec les syndicats, avec les mutualités, avec les coopératives, il y a toute une organisation sociale, sociétale qui se met en place, vont mener ces luttes de manière forte. Il faut bien se dire que les choses sont organisées à la fois au niveau politique, à la fois au niveau coopératif, mutualiste, syndical, mais qu'on a affaire aux mêmes militants. Donc une même personne peut à la fois être un militant politique, un militant syndical, inscrit à la coopérative et militant mutualiste aussi. Donc il faut bien voir cette articulation. En gros, ce qui se constitue au tournant du 19e au 20e siècle, c'est ce qu'on a appelé un pilier socialiste, c'est-à-dire un ensemble, un tissu d'organisations politiques, syndicales, coopératives, mutualistes, mais aussi des fanfares, des mouvements de jeunesse, des mouvements de femmes, des organisations colombophiles ou que sais-je, qui se sont organisées en tissu très dense et dans lequel les individus finalement naissent, grandissent et finissent par mourir avec toute une série de relations, de contacts. On a véritablement une espèce de contre-société qui s'organise, une société socialiste en quelque sorte. Mais un pilier, c'est ce qui soutient la société, c'est aussi, si vous regardez le pilier que vous avez au milieu d'une pièce, la colonne qui sépare différents mondes. Et donc, on va voir se développer un pilier socialiste, on va voir aussi se développer un pilier chrétien, avec syndicats chrétiens, avec mutualité chrétienne, avec coopérative chrétienne, avec banque d'épargne chrétienne, etc., etc., dont il subsiste encore aujourd'hui, tant du côté socialiste que du côté chrétien, des restes tout à fait importants. Quand on regarde la force du monde syndical, socialiste ou chrétien, ou même libéral, quand on regarde la force des mutualités, quand on regarde les différentes organisations comme Vie Féminine ou les équipes populaires qui existent encore aujourd'hui du côté chrétien, on voit que ce tissu associatif reste tout à fait important, même si la pilarisation aujourd'hui, donc cette organisation de la société belge en piliers, va petit à petit aussi se transformer à partir des années 60, s'atténuer. Et dans une certaine mesure, on a aussi un peu le même schéma du côté libéral. Donc on peut dire qu'il y a deux piliers et demi ou trois piliers en Belgique. Et il va falloir gérer ces piliers, il va falloir gérer la coexistence de la société. Ça va évidemment être un des défis pour les dirigeants politiques et plus largement pour les élites qui gouvernent la Belgique dès la fin du 19e siècle. C'est pour voir si j'ai bien compris hein, de ce que tu racontes. En gros, ben il y a le peuple, on va dire les gens, les ouvriers, ceux qui travaillent, qui en fait il faut aussi préciser, ils travaillent, enfin ils s'arrêtent jamais quoi. C'est pénible. C'est combien d'heures par jour de travail? Enfin il y a pas de congé, ça n'existe pas. On est à 10, 12, 14 heures de travail. On travaille à partir de 5 ans dans les filatures ou bien dans les mines. Et il faut attendre 1905 pour qu'il y ait une loi sur le repos dominical, donc sur le congé du dimanche. Ce qui aujourd'hui nous paraît totalement aller de soi, on se dit la Bible dit que le septième jour le Seigneur se reposa. Bah non, en Belgique il a quand même fallu attendre 1905 pour que le dimanche soit un jour de congé. Et bon, je dis dans les grosses lignes, mais tu me dis si je me trompe. Donc en gros, il y a le peuple, les ouvriers, tout ce monde-là de travail bah, qui se prend en main, mais ça crée à l'intérieur même de ces gens, de ce mouvement, de ces ouvriers, bah, il y a déjà des différences entre les chrétiens, entre pas les chrétiens, et entre... C'est ça que tu expliques en fait. Oui, chrétiens, socialistes, libéraux dans une moindre mesure. Donc effectivement, on a une division du monde ouvrier sur un aspect idéologique, confessionnel aussi, qui est très net et qui est relativement précoce. C'est dès la fin du 19e siècle. Après, on a une idéologie différente aussi qui fonde ces différents mouvements. C'est-à-dire que les socialistes, eux estiment que la société est une société capitaliste et qu'il faut la transformer et qu'il faut dépasser le capitalisme, aller vers le socialisme. Mais c'est quoi la différence exactement? Parce qu'on dit des mots là, socialisme, capitalisme, mais en mots ça doit... Hein. Et donc en gros, ce que les socialistes estiment, c'est que le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a ceux qui ont des richesses, ceux qui ont du capital, les capitalistes, qui vont exploiter ceux qui n'ont pour vivre que leur force de travail, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit manuelle, qu'il s'agisse des paysans, qu'il s'agisse des ouvriers. Et donc pour les socialistes, l'idée c'est qu'il faut rompre avec le capitalisme, il faut dépasser le capitalisme de manière à organiser la société afin qu'il n'y ait plus de classe sociale. Et donc la lutte des classes, qui est ce moteur de l'histoire selon Karl Marx, qu'il met en évidence en 1847-48 dans le Manifeste communiste avec Friedrich Engels, c'est l'idée que les sociétés humaines, depuis l'esclavage jusqu'au capitalisme en passant par la féodalité, ont été dirigées, que la lutte des classes est le moteur de l'histoire des sociétés, et qu'il convient à terme d'arriver à une société sans classe, où il n'y a plus de différence sur les bases socio-économiques et où chacun peut vivre en fonction de ses capacités, chacun contribuerait à la société en fonction de ses capacités et recevrait en fonction de ses besoins, puisque effectivement les êtres humains n'ont pas la même constitution, n'ont pas la même robustesse, etc. Et il faut donner ce dont il a besoin à un enfant alors qu'il peut moins apporter qu'évidemment à un adulte qui est en bonne santé. Et le capitalisme, alors c'est quoi sa pensée ? Alors que le capitalisme va, au niveau de, idéologique, politique, produire un certain nombre de doctrines politiques, notamment le libéralisme qui va mettre en avant la liberté, et notamment la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer, mais aussi des libertés qui nous apparaissent aujourd'hui comme fondamentales, la liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté de culte, la liberté de presse, qui sont les grandes libertés, je dirais, qui sont portées par le libéralisme sur le plan politique et sur le plan économique, donc avec l'idée qu'on est dans une société où chacun doit pouvoir entreprendre librement et soit travailler, soit faire travailler dans la mesure où un capital est disponible. Mais il y a aussi d'autres idéologies, des idéologies qu'on va qualifier parfois de social-chrétiennes, parfois de conservatrices. Donc on a une variété idéologique déjà relativement large au XIXe siècle et qui va encore s'élargir au XXe siècle avec le communisme, avec plus tard l'écologie politique par exemple. Mais je suis obligée de réagir quand même quand tu parles de l'idéologie du capitalisme. C'est pas simplement parce que j'ai entendu, tu parles de liberté, oui, tu parles de liberté aussi d'expression. Je sais plus ce que tu as dit exactement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose d'énorme qui est la compétitivité. Et puis surtout, on casse aussi ce système de solidarité, quoi. On fait chacun, c'est la liberté individuelle, mais on coupe aussi la liberté collective, quoi. On fait tout pour qu'elle n'existe plus quelque part. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'être, oui, mais ça, il y a quelque chose. Je veux dire, moi, le capital, je le définis comme ça, c'est-à-dire que tu fais du bénéfice, tu entreprends, tu es chef de toi-même, tu es formidable, mais tu écrases ton voisin, quoi. Il y a quelque chose quand même dans cet ordre-là. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Donc, le capitalisme est un système d'organisation économique de la société. C'est une manière d'organiser la société. C'est aussi un système de pensée, hein. Alors, sur ce système économique, donc c'est un mode de production, si on veut reprendre les mots de Marx. À côté de ça, il faut distinguer le libéralisme, qui, lui, est plutôt une pensée politique, une doctrine, qui a une dimension, évidemment, politique, mais aussi une dimension économique. Et donc, l'idée, c'est la liberté d'association. Et donc, d'une certaine manière, ça n'est pas nécessairement contradictoire avec l'idée qu'il peut y avoir des solidarités qui se développent au sein de la société, puisque la liberté d'association, c'est justement la liberté de s'associer. Mais il faut reconnaître qu'en Belgique, au XIXe siècle, la liberté d'association, même si elle est proclamée dans la Constitution, est également en partie balisée ou entravée par un certain nombre de réglementations, dans le code pénal notamment, avec cette interdiction de la syndicalisation ou l'interdiction de la grève, comme je les évoquais tout à l'heure. Donc le libéralisme, lui, n'est pas un mode de production au sens économique, c'est une doctrine politique et qui va accompagner d'une certaine manière l'essor du capitalisme. Et donc le libéralisme, lui, va plutôt mettre en avant les libertés qui doivent être utiles pour chacun, qui doivent être utilisées par chacun pour acquérir de la prospérité. C'est l'idée, c'est la philosophie de cette doctrine, pour acquérir de la prospérité qui va rejaillir d'une certaine manière sur la prospérité globale de la société. Autrement dit, dans une conception libérale, bon, évidemment ici je schématise, hein, mais j'essaie de décrire à grands traits les différences, dans une conception libérale de la société, c'est par la prospérité de chacun, par une forme d'enrichissement, qu'on va pouvoir avoir une société qui va bien aller et qui éventuellement va pouvoir alors aussi redistribuer certains fruits. Oui, c'est l'idéologie du libéralisme que tu parles, hein. Mais on voit bien que ça ne marche, que ça ne marche pas, cette idée-là. Aujourd'hui, en 2017, je veux dire, moi j'ai déjà entendu cette définition du libéralisme. Oui, c'est par le fait que la société va être prospère et tout, que va en découler une société où tout ça pourra être partagé. On voit bien aujourd'hui, en 2017, que ce n'est pas le cas. Enfin, pour moi, ça me semble évident. Après, tu parles du libéralisme, c'est l'idéologie, le capitalisme, c'est l'économique, quoi, très bien, mais ce capitalisme, enfin ce capital, il faut déjà en avoir à la base, tu vois, c'est déjà enfin, une logique bien particulière, il faut déjà en avoir, et surtout, ben, c'est le profit, c'est ce profit-là qui est aujourd'hui exagéré, enfin tu vois, c'est même plus, enfin il y a du gaspillage, c'est un profit à profusion comme ça, enfin voilà. Le libéralisme est une idéologie qui est une idéologie à caractère productiviste. Et donc, c'est clair que l'idée, c'est de produire plus, de faire des bénéfices, avec l'idée que les bénéfices peuvent être répartis soit pour accroître la richesse d'une ou de différentes personnes, notamment les actionnaires à travers les dividendes, soit qu'on peut les réinvestir pour faire prospérer l'affaire qui elle-même va amener des profits ultérieurement. Ça c'est plus rare. Excuse-moi, je te coupe, c'est obligé parce que comme ça c'est... Mais là c'est plus rare que l'argent justement, enfin les bénéfices. Souvent aujourd'hui on voit qu'ils vont aux actionnaires, les gens qui font rien, quoi, qui reçoivent comme ça de la masse des travailleurs toute la richesse. En faisant rien du tout, c'est ça qui est incroyable, c'est plus du tout redistribué dans la machine du travail, quoi, et avec les gens, évidemment. L'idée, c'est quelle est la part qui est consacrée aux dividendes et quelle est la part qui est investie, notamment pour améliorer les choses, pour innover, pour amener du progrès, etc. Et là, des investissements, il continue à y en avoir. Donc effectivement, les dividendes ont plutôt eu tendance à augmenter proportionnellement au cours des dernières années, parce que les salaires, eux, par contre, sont bloqués. Mais là, on fait évidemment un bond considérable dans le temps, dans l'histoire, puisqu'on l'avait laissé au début du XXe siècle. Et là, on revient plutôt sur aujourd'hui avec cette parenthèse. On est dans une situation où aujourd'hui, l'équilibre entre ce qui est versé à titre de dividende et ce qui est versé à titre de salaire est évidemment un équilibre qui est tout à fait différent de ce qu'on a vu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et dans les 30 années qui ont suivi. Mais il reste aussi certains investissements, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi il y a des innovations technologiques, notamment, qui sont menées de manière très très importante, encore à l'heure actuelle. Oui, mais quand on voit tous les licenciements des gens, toutes ces boîtes qui ferment, et après, bon, la technique, très bien, mais dans quel but aussi, cette technique ? Enfin, voilà, c'est toujours au service... Enfin, ça, c'est ma vision, hein. Je ne dis pas que tu dois avoir celle-là, mais c'est ma vision. Moi, je suis très... Je n'aime pas du tout cette société dans laquelle nous sommes. Voilà, je n'aime pas du tout comment les profits servent à ceux qui ont déjà des capitaux. Enfin, ce n'est pas que moi qui le dis aujourd'hui. Il y a tout qui s'effrite comme ça. Enfin, il y a un minime... X% de gens qui ont toutes les richesses pendant que les autres triment ou les autres n'ont plus de travail. Enfin voilà, c'est une réalité, il faut la regarder aussi telle qu'elle. Et c'est vrai qu'on fait un bond entre le début du XXe siècle pour expliquer évidemment, on en était là avec les ouvriers qui ont plusieurs tendances, quoi, hein, comme le libéralisme, les chrétiens, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps là, radiophonique, il faut avancer parce que moi j'aimerais vraiment bien comprendre comment ça se fait que ce mouvement ouvrier qui est multiple, c'est ça que tu fais comprendre, c'est que là-dedans, même dans le mouvement ouvrier, il y avait des différentes façons de voir, très bien. Voilà, comment ça se fait qu'ils ont réussi à se battre pour obtenir des droits qui sont super importants, il faut le souligner, quoi, hein, c'est pas des petits droits comme ça. À l'époque, les patrons ou bien le gouvernement devait se marrer, hein, en disant mais ces gens rêvent recevoir, enfin mettre un système de solidarité en place, ils rêvent, ils l'auront jamais. Et puis ils faisaient croire évidemment qu'il n'y avait pas assez d'argent pour ça, pour le mettre en place. Comme aujourd'hui, quelque part, le gouvernement vous raconte qu'il n'y a plus de sous pour faire marcher cette sécurité sociale, qu'elle est trop chère. C'est toujours des courants idéologiques qu'on met en place pour faire croire aux gens certaines choses, quoi. Alors, si on revient au 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a une forme d'organisation donc, du mouvement ouvrier qui va aussi déboucher sur la création de certaines assurances sociales. C'est-à-dire que les mutualités que j'ai évoquées tout à l'heure, elles sont en fait créées par les ouvriers pour eux-mêmes se protéger, se mettre à l'abri du besoin, parce que, bien entendu, ils font eux-mêmes l'expérience de la maladie qui les empêche de continuer à travailler, des accidents de travail qui les empêchent de continuer à travailler. Dans certains cas, on va voir aussi la création de caisses de pension par des organisations à caractère ouvrier, parce qu'il y a un moment où on n'est plus en état de travailler, et si on n'a plus de travail, on n'a plus de source de revenus, donc il faut avoir pu s'organiser au préalable pour avoir des caisses de pension. Ça va aussi être le cas au niveau des caisses de chômage. Mais on est d'accord pour dire que c'est les ouvriers qui ont vraiment créé toutes ces idées, quoi. Hein. C'est pas le patronat ni le gouvernement, quoi. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une forme d'auto-organisation dans ce que je viens d'évoquer. Il y a une forme d'auto-organisation aussi dans le cas des caisses de chômage. Donc, c'est-à-dire que, notamment dans le monde syndical, tout particulièrement dans le monde syndical, on va mettre sur pied donc, les travailleurs qui s'associent sous forme de syndicats, et de syndicats clandestins, hein, je le rappelle, on est toujours avant 1921, vont s'organiser, vont mettre sur pied des caisses de secours mutuelles, comme on les appelle à l'époque, avec une dimension de protection contre le chômage. Là aussi, on sait que quand on perd son travail, on n'a plus la possibilité d'avoir de revenus. Et donc, il faut pouvoir aider les camarades de travail qui ont perdu leur emploi, mais il faut aussi éviter qu'ils aillent proposer leur service à un patron à un salaire moins cher, parce que sinon, ils vont faire pression à la baisse sur les salaires. Et donc, les syndicats vont mettre sur pied des caisses de chômage, et c'est ce qui explique aujourd'hui encore ce lien intrinsèque en Belgique entre syndicats et versement des allocations de chômage, même si ça a beaucoup évolué avec la sécurité sociale et en 1945 en particulier. Donc on a là vraiment des formes d'auto-organisation qui sont les racines de l'assurance maladie-invalidité, des assurances contre les accidents du travail. Et petit à petit aussi, les pouvoirs publics vont être appelés à la rescousse d'une certaine manière par le mouvement ouvrier, dont les reins ne sont pas suffisamment solides, parce que les salaires sont tellement faibles que prélever des cotisations pour alimenter la coopérative, pour alimenter la mutualité, pour alimenter la caisse de chômage, n'est pas quelque chose qui est facile pour les travailleurs. Ils sont bien conscients que c'est très très important pour se mettre à l'abri du besoin, mais ça n'est pas facile. Et donc ils vont solliciter, dans un certain nombre de cas, l'intervention des pouvoirs publics. Par exemple, la commune, par exemple, la province. Il faudra attendre le XXe siècle pour que l'État, au niveau national, intervienne et commence à financer d'une manière ou d'une autre les mutualités, à financer d'une manière ou d'une autre les caisses de chômage, et aussi pour que la législation sociale avance et que les employeurs soient obligés de s'assurer contre les accidents du travail. Parce que ce qui est à l'œuvre aussi, c'est un changement de conception. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier doit faire admettre petit à petit aussi aux classes dirigeantes que les accidents du travail, ce n'est pas juste le fruit du hasard. Ça peut être, et c'est bien souvent le cas, le fruit de l'organisation du travail. La manière dont le travail est organisé, on le verra plus tard avec le développement du travail à la chaîne, produit des accidents de travail, produit des maladies professionnelles. On le reconnaîtra plus tard par rapport à la silicose pour les mineurs, les troubles musculo-squelettiques dont on parle encore aujourd'hui beaucoup, pour des gens qui exercent des professions avec des gestes très répétitifs, comme à la chaîne de production par exemple. Et puis il y a encore d'autres origines aussi de ces assurances sociales à rechercher, là plutôt du côté patronal, notamment les caisses d'allocation familiale. Parce que le patronat va plutôt vouloir fixer la main-d'œuvre, les ouvriers qu'il a et qu'il veut garder pour éviter qu'ils aillent à la concurrence. Un certain nombre de patrons vont créer des allocations familiales auxquelles, bien entendu, les ouvriers n'auront plus droit s'ils quittent leur patron. Donc on voit que quand je parlais d'institution qu'est la sécurité sociale, c'est-à-dire de création humaine, de création sociale au sens que c'est fait par des hommes ensemble, c'est quelque chose qui est très très marquant et que les sources sont quand même assez complexes, sont assez diversifiées. Ça va entraîner toute une série de débats aussi durant les premières décennies du XXe siècle, et c'est sous la clandestinité, durant la Seconde Guerre mondiale, alors que des représentants patronaux des représentants syndicaux qui ne sont même pas vraiment mandatés par leurs organisations. De toute façon, les organisations, elles ont un peu volé en éclats avec la clandestinité, avec la répression par les nazis. Certains ont choisi la collaboration, d'autres ont choisi la résistance, d'autres n'ont rien choisi du tout et ils attendent un peu de voir comment les choses vont se décanter. Et donc, dans la clandestinité, des représentants patronaux et des représentants syndicaux négocient la manière d'articuler ces différentes branches, ces différentes assurances sociales, et de généraliser aussi ce qui va devenir la sécurité sociale. Et en avril 1944, ils s'accordent, on est toujours dans une Belgique qui est occupée, hein, en avril 1944, ils s'accordent sur ce qu'on a appelé un projet d'accord de solidarité sociale. C'est un projet et ça restera toujours un projet. On parle souvent de pacte social, c'est erroné. En réalité, c'est resté un projet, il n'a jamais été soumis à ratification de la part des syndicats, de la part du patronat par exemple. Parce qu'il y a des innovations là-dedans qui étaient peut-être imbuvables pour des membres, pour peut-être même une majorité de syndicalistes ou de patrons. Notamment, il y a la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que les interlocuteurs sociaux, comme on les nomme aujourd'hui, reconnaissent mutuellement qu'ils ont pour interlocuteur l'autre. C'est-à-dire que le patronat doit admettre que les syndicats existent et qu'ils sont habilités à porter la voix des travailleurs. À l'inverse, pour le monde syndical, il faut reconnaître que le patronat existe et que le patronat a une autorité. Et pour le mouvement socialiste, notamment, reconnaître que dans son entreprise, c'est le patron qui décide comment il va affecter les investissements, comment il va régler la production, comment il va affecter la main-d'œuvre, c'est aussi une concession fondamentale pour le mouvement socialiste. Et là non plus, on n'est pas sûr du tout que ça aurait passé la rampe en cas d'approbation, enfin de demande d'approbation, de ratification par la base. Donc là, il y a vraiment un moment très très important, 1944, qui va alors donner lieu à l'arrêté loi du 28 décembre 1944, qui est fondamental. Là, on se bat toujours, l'offensive des Ardennes, c'est cette période-là, mais le pays est libéré dans la majeure partie du territoire, et les pouvoirs publics qui se remettent petit à petit en place depuis le mois d'août septembre 1944, décident d'adopter cet arrêté-loi du 28 décembre 1944 qui va vraiment fonder la sécurité sociale. Mais quand je dis fonder, j'ai expliqué qu'en fait, des éléments de sécurité sociale existaient depuis plusieurs dizaines d'années, mais de manière éparse. Donc la sécurité sociale est créée en 1944, elle est généralisée pour l'ensemble des salariés, avec des régimes différents pour les indépendants et pour les fonctionnaires. Mais pour les salariés, elle est donc généralisée, alors que jusque-là, les différentes assurances que j'ai évoquées, chômage ou autres, étaient facultatives. Elle est généralisée, elle est aussi organisée de manière structurée avec un système de collecte des fonds, de prélèvement direct sur les salaires. Autrement dit, l'employeur verse le salaire à son travailleur, mais il en verse une partie qui est subdivisée entre ce qu'on appelle la part employeur et la part du travailleur, mais fondamentalement c'est du salaire, est versée à l'Office national de sécurité sociale, l'ONSS. Et c'est l'ONSS qui va donc rassembler l'ensemble des cotisations, cotisations dites personnelles, cotisations dites patronales, pour, dans cette grande caisse, ce grand pot commun, comme on l'appelle généralement, pouvoir redistribuer alors les choses sous forme d'assurance chômage. Et ça, on a décidé en 1945 que c'était les syndicats qui allaient continuer à payer, vu leur lien historique avec les chômeurs et avec l'assurance chômage, que c'est eux qui allaient continuer à verser les indemnités de chômage. Mais il ne s'agit plus d'indemnités qui sont dépendantes d'une cotisation syndicale. Désormais, l'argent vient de l'ONSS, vient de son grand pot commun. On a des organes plutôt de type patronal, alors historiquement, qui verse les allocations familiales, puisque là, c'était une branche d'assurance sociale qui était plutôt mise en place par le patronat. On a les mutualités qui versent les remboursements en cas de maladie, d'invalidité, soins de santé, ce que nous connaissons tous aujourd'hui, quand on remet son attestation à la mutualité et qu'on reçoit de l'argent un peu plus tard sur son compte. Je suis vraiment désolée de te couper, hein, c'est parce que sinon, on reçoit plein d'infos et tout, c'est juste des fois des petits détails pour bien comprendre. Tu veux dire que les allocations familiales ça ne vient pas de la richesse des travailleurs. Tu as l'air de dire ça, que c'est l'employeur, en fait, qui c'est une création purement de la part des employeurs. Mais c'est la richesse des travailleurs, non ? C'est tout à fait le contraire que je disais. Donc, c'est bien de la richesse, d'une certaine manière, des travailleurs, puisque c'est une part de leur salaire. Et donc, l'employeur attribue, verse un salaire en échange du travail qui est fourni à son travailleur, mais de ce salaire, il va décomposer plusieurs parties. Une partie qui est versée sous forme d'impôt, c'est le précompte professionnel, comme on appelle ça, et qui est déjà versée au trésor public. Et puis plus tard, quand au mois de juin, vous remettez votre déclaration d'impôt, on va plus tard recalculer, et on va savoir si vous avez déjà versé trop, ou bien si, et on va vous rembourser, ou bien si vous n'avez pas versé assez, on va vous demander de payer en complément. Donc ça, c'est la matière fiscale. Et puis, du salaire restant, l'employeur va aussi prélever des cotisations de sécurité sociale. Et ces cotisations de sécurité sociale, c'est bien un élément du salaire. Donc c'est bien un élément de la richesse des travailleurs, mais qui est socialisé, c'est-à-dire qui est mis en commun par l'ensemble des travailleurs. Donc oui, tout à fait, on est bien face à une richesse collective de l'ensemble des salariés. Mais, en raison du rapport de force qui est établi avant la guerre et puis au moment que je viens d'évoquer durant la Deuxième Guerre mondiale et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le rapport de force qui est établi repose sur l'idée que le patronat, d'une certaine manière, contribue par le salaire qu'il verse aux travailleurs à la sécurité sociale, que les travailleurs et donc leurs représentants syndicaux contribuent, puisque c'est leur salaire, à la sécurité sociale. Et donc, on va avoir une sécurité sociale qui est gérée en commun, de manière paritaire et qui est égale, par des représentants patronaux et des représentants syndicaux. Les représentants syndicaux pouvant dire « mais c'est la richesse des travailleurs, et donc nous voulons la gérer ». Les représentants patronaux pouvant dire « bah oui, mais sans nous, il n'y aurait pas de salaire, et donc... » Puisque c'est nous qui donnons le salaire en échange du travail, puisque c'est nous qui avons les capitaux, nous aussi, nous participons à la gestion de la sécurité sociale. Donc on est bien là dans une conception qui est celle-là. Et puis, de plus en plus, alors au fur et à mesure que les choses évoluent, l'État va aussi s'en mêler et être un acteur de plus en plus incontournable. On parle parfois de bipartisme, patronat-syndicat, parfois et de plus en plus de tripartisme, puisque l'État veut lui aussi avoir son mot à dire. Mais donc on est vraiment dans une construction humaine, une construction sociale, construction économique aussi. Je veux dire, la sécurité sociale aujourd'hui, c'est 120 milliards d'euros par an pour la Belgique. Si on compare ça, par exemple, avec le budget de l'autorité fédérale, donc que ce soit l'armée, que ce soit la police, etc., toutes les matières qui sont de la compétence de l'autorité fédérale, on est plus ou moins à 40 milliards d'euros par rapport aux 120 milliards. Donc on voit vraiment quelle est l'ampleur de la sécurité sociale et des flux qu'elle génère. Et puis, le service de la dette, c'est 35 milliards d'euros par an, plus ou moins, si j'ai bonne mémoire. Donc, on est là face à des ordres de grandeur qui sont quand même colossaux. La sécurité sociale est aussi un facteur de redistribution. Un facteur de redistribution entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas, ou plus, parce qu'ils sont sans emploi ou parce qu'ils sont retraités. Le poste des pensions est avec le poste des soins de santé. Ce sont les principaux postes de la sécurité sociale, dans les différentes branches de la sécurité sociale. Le chômage vient largement derrière. La sécurité sociale est un facteur de redistribution entre les valides et les invalides, avec les allocations d'invalidité, entre ceux qui sont en bonne santé et ceux qui le sont moins. Mais là, je dirais, la frontière est un peu plus floue, parce que finalement, aller chez le médecin ou chez le dentiste, on le fait tous. Enfin, en principe, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont plus en mesure aujourd'hui d'avoir accès aux soins de santé, parce que le système de sécurité sociale dont la performance est souvent reconnue à l'étranger. On considère que la Belgique a un excellent système de sécurité sociale, c'est vrai, mais en même temps, et donc des soins de santé aussi de très bonne qualité, mais en même temps, on voit bien aussi que l'accès à cette sécurité sociale et à ces soins de santé devient de plus en plus compliqué pour certaines personnes, parce qu'on a un mélange de médecine à caractère libéral et à caractère socialisé, c'est-à-dire que quand vous allez chez le médecin, vous allez payer le prix d'une visite et ce n'est qu'une partie qui vous sera remboursée. Et cette partie qui reste à votre charge, là par contre, bah, pour des gens, ce n'est pas possible de la payer. Donc un certain nombre de personnes n'ont plus accès aux soins de santé. Alors il existe d'autres systèmes qu'on appelle le système du tiers payant, où le médecin s'engage justement à ne prendre que la partie qui est remboursée par la mutualité. Et puis on a aussi le système de maison médicale, justement, qui veille à essayer de faire en sorte que les gens puissent venir dans un réseau médical avec différentes spécialités, généralistes et autres, leur permettent d'avoir accès à une médecine qui est gratuite. Alors gratuite, en fait, ça veut dire qu'il n'y a que la part qui est financée par la sécurité sociale qui est mise à leur charge, mais par un système administratif, ils ne doivent pas débourser. Donc on est dans un système qui est mixte aussi à certains égards, avec des formes de médecine socialisée ou de maison médicale et des formes de médecine plutôt libérale, comme on les appelle ainsi généralement, avec des médecins qui peuvent être soit conventionnés, soit au contraire ne pas être conventionnés et alors pratiquer le tarif qu'ils veulent. Mais le patient doit en être informé, il doit savoir qu'il va payer plus cher. C'est le cas aussi pour les hôpitaux. Avec une chambre unique ou une chambre collective, vous allez avoir des prix totalement différents pour la chambre et pour toutes les prestations, visites de vos médecins, chirurgiens, etc., qui vont être très différents. Donc on a là vraiment une construction sociale avec toutes ces particularités, mais aussi avec ce caractère redistributif très très important et les masses financières que l'on disait qui sont gérées, 120 milliards d'euros par an, ça n'est quand même pas rien. Et on a oublié de parler des vacances, ces fameuses vacances, quand même, c'est quand même énorme, hein, qui font partie dans la logique aussi du travailleur. C'est quand même énorme, enfin, c'est pas pour moi, non, c'est pas énorme, mais c'est. Voilà, ça fait partie de la donne aussi de se dire à un moment donné, on prend ses vacances. Alors là, la lutte pour les vacances annuelles, pour les congés payés, comme on les appelle, a une histoire un peu différente. On pourrait évoquer aussi l'histoire de la réduction du temps de travail, la réduction collective du temps de travail sur une base hebdomadaire. Des combats importants vont être menés dès le 19e siècle et le début du 20e siècle, mais c'est plutôt dans les années 30 qu'ils vont aboutir à un début de mise en œuvre de la semaine de 40 heures et des 8 heures par jour. Mais le combat pour les 3 fois 8, comme on l'appelle dans le mouvement ouvrier, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, qui partagent la journée en 24 heures, c'est un mouvement qui va déjà prendre de l'essor dès la fin du 19e siècle et qui va être un mouvement international. On le voit à Chicago, on le voit avec des manifestations en Europe ou aux États-Unis, et c'est d'ailleurs l'origine encore aujourd'hui du 1er mai comme fête du travail. Réduction donc à 8 heures par jour, réduction à 40 heures par semaine, mais qui va mettre très longtemps avant d'aboutir. Il faut attendre globalement les années 70 pour qu'on arrive vraiment à une généralisation des 40 heures semaine et puis à une diminution même à 38 heures semaine encore plus récemment. Et puis aujourd'hui, réduction du temps de travail qui reste à l'agenda ou qui est mise à l'agenda par certaines organisations. Je pense à la FGTB, je pense à la Centrale des francophones des employés, à la CSC, donc la CNE, la Confédération nationale des employés. On est face à une revendication qui est mise à l'agenda par certains, mais en même temps qui se heurte de plein fouet à la tendance qui va plutôt à une augmentation du temps de travail. Par exemple, avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, connues sous le nom de loi Peters, qui a été adoptée cette année, qui, au contraire, vont plutôt annualiser le temps de travail et donc permettre des semaines de plus de 40 heures en compensation, en principe, par des semaines qui vont faire moins de 40 heures. Et donc, une forme de flexibilité présentée comme étant intéressante pour les travailleurs et pour les entreprises, mais dont les syndicats disent qu'elles vont surtout servir aux entreprises. Donc il y a cette histoire de l'évolution du temps de travail hebdomadaire, avec la question de la réduction collective du temps de travail. Je dis collective, il y a aussi des modes de réduction individuelle du temps de travail. Tout le travail à temps partiel, qui est surtout féminin, à peu près une femme sur deux en Belgique travaille à temps partiel, c'est beaucoup moins le cas pour les hommes, va là aussi être une forme de réduction du temps de travail, parfois accompagnée par un complément de l'ONEM, par exemple, Office National de l'Emploi, mais pas toujours. Et on est dans une situation où la réduction individuelle a parfois pris le pas, ces dernières années, sur la réduction collective. Et puis, il y a une autre forme de réduction du temps de travail, c'est soit au niveau de la carrière, avec l'allongement des études, les carrières se sont raccourcies finalement, puisqu'on arrivait sur le marché de l'emploi plus tardivement, avec le jeu sur l'âge de départ à la retraite, qui a été plutôt relevé. Pour les femmes, on est passé de 60 à 65 ans, en disant qu'elles devaient être sur pied d'égalité avec les hommes, mais on n'a pas décidé de ramener l'âge de départ à la retraite des hommes à 60 ans. On a porté celui des femmes à 65, donc on a aligné finalement à la hausse et pas vers l'hypothèse la plus favorable aux travailleurs. Ça, c'est déjà quelques dizaines d'années. Et puis, aujourd'hui, on parle plutôt d'un allongement. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral actuel, à 66, 67 ans à terme. Donc là, on a un allongement finalement de la carrière. Et puis enfin, il y a la réduction du temps de travail sur une base annuelle avec les congés payés. Et là, on est aussi dans une autre forme d'histoire, même si tout ça est lié, bien entendu, dans l'histoire du mouvement ouvrier. Et il faut attendre alors 1930, avec les revendications importantes, les mouvements importants, grève en 1936, en France et en Belgique, pour obtenir les congés payés, la première semaine de congés payés. Jusque-là, les seuls congés qu'on a, c'est depuis 1905, le repos dominical que j'évoquais tout à l'heure, donc le dimanche où on ne travaille pas. Mais à partir de 1936, et sous la pression d'un large mouvement social, d'un mouvement de grève important, les travailleurs obtiennent une semaine de congés payés. Il faudra attendre alors après la Deuxième Guerre mondiale pour que, dans le cadre de la concertation sociale entre les interlocuteurs sociaux, patronat et syndicats, la négociation des accords interprofessionnels, comme on les appelle aujourd'hui, accords de programmation sociale, comme on les appelait à l'époque, soit accordée d'abord une deuxième semaine de congés payés, puis une troisième semaine de congés payés, et puis les syndicats vont demander plus, mais le patronat va évidemment bloquer. Et donc on va obtenir une troisième semaine de congés payés et de premiers jours en plus, et puis des jours supplémentaires pour arriver aujourd'hui globalement à 4 semaines de congés payés dans le régime des travailleurs du secteur privé. Et ces congés payés, avec des régimes qui sont différents pour les employés et pour les ouvriers, puisque aujourd'hui encore les statuts sont différents, même s'ils sont appelés normalement à être harmonisés, à être peut-être même unifiés, on est dans une situation où pour les employés et pour les ouvriers, il y a des régimes un peu différents, des modes de calcul différents, mais pour les ouvriers, à ma connaissance, cela passe par la sécurité sociale, par les vacances annuelles, comme on appelle ça, qui est une autre des branches de la sécurité sociale, à côté du chômage, de la pension, de la maladie, invalidité, etc. On a aussi les vacances annuelles. Mais on est d'accord que ces vacances, c'est vraiment... Peut-être je me répète, mais c'est pour que les choses soient claires. Moi, j'ai du temps des fois pour comprendre, mais après, je suis créative. C'est quand même une idée des travailleurs, quoi. C'est pas du tout le patronat qui a dit oh, on va vous donner des petites vacances, ou bien les pouvoirs politiques qui ont dit c'est vraiment les gens qui travaillent qui se sont battus pour obtenir ça, quoi. C'est quand même, quelque part, c'est fou d'avoir imaginé ça, de se dire on travaille, ben là maintenant, c'est qu'ils étaient vachement conscients aussi de tout ce qui se jouait, quoi. Oui, alors quand on évoque les différents éléments qu'on vient d'aborder, il faut bien garder à l'esprit la question du salaire. C'est-à-dire que la sécurité sociale, telle qu'elle a été mise sur pied donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, elle requiert des cotisations de sécurité sociale. Elle est alimentée par des cotisations de sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est complété aussi en partie par l'État et donc par l'impôt, mais la base reste toujours les cotisations de sécurité sociale, je pense à hauteur des trois quarts, de 75%. S'il y a cotisation de sécurité sociale, et en 1944, il y a un accord là-dessus, un consensus globalement, et ça va entrer en vigueur. S'il y a des cotisations de sécurité sociale, il faut forcément que le salaire qui va arriver, ce qu'on appelle parfois le salaire poche, dans la poche du travailleur, soit suffisant pour le travailleur pour vivre, mais il faut aussi qu'il soit complété, même si le travailleur le voit sur sa feuille de paye, mais ne le touche pas à cet argent, ça doit être complété par l'impôt, le précompte professionnel, et ça doit être complété par les cotisations de sécurité sociale. Donc ça veut dire que la création de la sécurité sociale nécessite pour l'employeur d'accepter de verser des salaires qui soient suffisants pour que le travailleur puisse reproduire sa force de travail, c'est-à-dire vivre, avoir un logement, avoir de la nourriture, etc., mais puisse aussi avoir des cotisations de sécurité sociale et inclure ce qu'il doit verser comme impôt. Et donc, les salaires doivent nécessairement être d'un certain montant, d'un certain niveau. Alors évidemment, on va avoir des salaires qui sont différents selon les fonctions qui sont occupées, selon l'expérience, selon l'âge, etc., tout ce qu'on veut. Mais on va avoir un salaire qui doit quand même être assez conséquent. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que quand on parle de réduction du temps de travail, ça veut dire que, dans l'esprit syndical en tout cas, c'est sans perte de salaire. Donc, on travaille moins pour le même salaire. Concrètement, ça veut dire que le salaire horaire augmente, puisque je travaille moins d'heures, mais j'ai toujours la même chose en fin de mois. Donc, ça veut dire que le salaire augmente. Donc, le salaire est là aussi au cœur des choses. Pour les vacances, c'est la même chose. Si on décide que les gens, les salariés ont droit à une semaine ou deux ou trois ou quatre de congés payés, ça veut dire qu'on les paye alors qu'ils ne travaillent pas pendant ce temps-là. Et en plus, ils reçoivent ce qu'on appelle un double pécule de vacances. C'est-à-dire que le pécule de vacances, c'est le fait d'être payé alors qu'on est en vacances. Le double pécule de vacances, c'est la somme qui vient un peu avant les vacances et qui doit vous permettre aussi éventuellement de payer, de partir en voyage, en tout cas si vous en avez les moyens, ou de rembourser vos dettes si votre niveau de revenu est insuffisant. Il ne faut quand même pas perdre ça de vue non plus pour une bonne partie de la population. Et donc, on est dans une situation où là aussi, c'est le salaire qui est l'enjeu du conflit entre capital et travail, entre patronat et syndicat. Et donc, on est vraiment là au cœur de la problématique, et ce sont les rapports de force entre capital et travail qui permettent de faire évoluer cette question du salaire et ce que le patronat est prêt ou est obligé de mettre comme salaire pour financer la sécurité sociale, pour financer les congés payés ou les autres aspects qu'on vient d'évoquer, réduction collective du temps de travail par exemple. Mais est-ce que tu serais d'accord qu'à la place de salaire, on parle de la richesse des travailleurs? Parce que c'est marrant, enfin, comme tu parles... Mais tout est... Tu vois, c'est marrant, parce que comment on raconte cette sécurité sociale, comment tu racontes cette sécurité sociale, ça raconte aussi d'autres choses. C'est-à-dire que le salaire dont tu parles, il existe, on peut le remplacer. Est-ce que d'abord, tu serais d'accord de remplacer le salaire par, la création de richesse, quoi, la production de la richesse à la place du salaire? Non, je ne pense pas qu'on puisse le dire ainsi. Le salaire, c'est une part de la production de la richesse. Donc, il faut bien reprendre les choses à la base. Le patron est celui qui a un capital. Un capital qu'il peut mettre dans une entreprise, par exemple. Oui, mais qui servirait à rien s'il n'y avait pas des gens pour faire fructifier ou même faire vivre ce capital. Donc, quelque part, tu vois, moi, je ne le vois pas du tout... je le vois en collaboration, à égalité. On va voir comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Moi, j'ai peut-être du capital, mais il ne sert à rien s'il n'y a pas des gens pour faire fructifier ce bazar, quoi. Alors, c'est en collaboration, ça c'est la conception chrétienne ou libérale des choses, c'est de dire le patron et l'ouvrier sont sur un pied d'égalité, ils doivent collaborer pour faire avancer les choses, c'est en opposition avec des intérêts antagoniques, contradictoires et qui peuvent déboucher sur une lutte dans la conception socialiste des choses. Donc je ne parlerai pas de collaboration. Donc si je reprends les choses concrètement, on a effectivement quelqu'un qui a du capital et qui veut le faire fructifier d'une certaine manière à travers un projet économique, industriel, etc. Mais c'est clair qu'il a besoin de travailleurs. Les travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Grâce à ce capital qui est amené, aux marchandises, etc., ils vont transformer les choses. Et donc, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de création de richesse. Les choses sont très claires de ce point de vue-là. Et donc, les travailleurs vont créer de la richesse, et cette richesse, bah, d'une part, donc, cette richesse, elle est captée, si on veut, par le patron, et le patron va, je termine, et le patron va répartir cette richesse entre les salaires, c'est-à-dire ce qu'il ristourne comme part de cette richesse produite aux travailleurs, ce qu'il va leur donner comme salaire et qui va notamment leur permettre de reproduire leur force de travail, puisqu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils se soignent, etc. Et la part qu'il va garder pour lui, soit pour faire de nouveaux investissements, soit pour se rémunérer lui ou pour rémunérer ses actionnaires dans le cas d'une société anonyme, par exemple. Donc, on est dans un cas de figure où le salaire n'est pas déterminé. Il n'est pas calculé par une simple règle de calcul. Il dépend aussi du rapport de force. Si les travailleurs se mettent en grève pendant longtemps, le capitaliste, il a son capital, mais son usine, elle ne tourne plus. Et donc, les ouvriers peuvent réclamer des hausses de salaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la richesse qu'ils produisent, la richesse qui est produite par les travailleurs, ils vont exiger collectivement, par la grève, une part plus importante sous forme de salaire. Et donc, ça veut dire que soit les investissements vont être un petit peu diminués, soit ce sont les profits ou les dividendes qui vont être réduits. Donc, on est dans une société où le capitaliste apporte un élément, mais sans travailleur, il ne pourra rien faire. Et le salaire, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, on ne peut pas parler de la richesse produite par les travailleurs. La richesse produite par les travailleurs, elle est beaucoup plus large que les salaires. Elle inclut, elle englobe les salaires, mais aussi les dividendes et ce qui va être prélevé sous forme d'investissement, enfin qui va être réintroduit sous forme d'investissement. Donc on est là dans quelque chose qui est vraiment à négocier finalement entre le capital et le travail, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des secteurs, au niveau interprofessionnel, national, c'est finalement cet équilibre entre ce qui revient au capital et ce qui revient au travail dans la richesse qui est produite par les travailleurs. Et cet équilibre, notamment, va aussi s'exprimer sous forme à la fois des salaires, mais aussi des cotisations de sécurité sociale, etc. C'est ainsi. J'aime bien parce que tout avec toi, Jean, voilà, tout est dans des petites cases et là. Moi, je regarde les choses beaucoup plus. Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Pour moi, ça doit fonctionner ensemble, oui, les capitaux. Et en même temps, on peut imaginer un autre monde hein, où c'est pas forcément. Parce que là, il y a énormément de gaspillage, de profit. On voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. C'est comme si les travailleurs, en tout cas, cette force de travail, elle doit arrêter de se laisser faire parce que il y a énormément de profit sur leur dos, mais qui ne leur revient pas aussi à ces travailleurs. Donc il y a un problème dans ce cas de figure que tu racontes, quoi. Et il vient d'où ce problème ? Tu pourrais expliquer d'où il vient ce problème ? Là, on est dans la question des rapports de force au 19e siècle, au 20e siècle, ou aujourd'hui, tel qu'il se concrétise, tel qu'il se matérialise. Est-ce que les travailleurs sont organisés, sont unis ou pas ? Quelles sont leurs convictions ? Je disais, il y a un instant, on a une conception qui est plutôt de collaboration entre capital et travail dans une vision chrétienne ou libérale, par exemple. On a une vision plutôt de lutte de classe dans une vision socialiste ou communiste. Donc on est face à des schémas d'explications de la société qui sont différents, des idéologies, parce que les idéologies, ce sont aussi des manières d'expliquer la société, en quelque sorte. Mais l'autogestion aussi, ça fait référence à quoi ? Parce que chaque fois quand je veux dire collaboration, ça va faire référence à toi, à la chrétienté ou au libéralisme. Moi, je ne me sens pas du tout chrétienne ni libérale, tu vois. La collaboration, c'est genre J'ai quelque chose, je ne sais rien en faire toute seule, bah tiens, on va regarder tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu vois, il n'y a pas un patron qui est au-dessus, qui domine et qui va faire en sorte que les choses soient un peu floues et cachées pour se dire quand même, je vais en mettre pas mal dans mes poches, je vais en profiter, enfin, moi j'ai surtout vu ça dans les années 60, quand il y a eu vraiment... mai 68 et compagnie, quand les étudiants ont commencé à manifester, puis toutes les entreprises aussi et tout ça, ben, en tout cas, ça montrait que les gens prenaient conscience qu'en fait, le patron, il s'en mettait plein les poches et qu'en fait, l'ouvrier pouvait, il était tout à fait en droit de se dire, ben, attends, il y a des choses qui doivent me revenir, moi, maintenant, c'est pas simplement le patron qui doit en mettre plein les poches, quoi. Enfin, toi, c'est une manière de regarder aussi les choses. Je répète ma question, donc l'autogestion, pour toi, ça fait référence à quoi? Parce que moi, j'aime bien la collaboration, je ne me sens pas libérale ni chrétienne. Ben, l'autogestion est un mouvement qui a été notamment porté par la CSC, donc le syndicat chrétien, dans les années 60 ou 70. Donc justement comme une réponse aux transformations du capitalisme et avec l'idée, voilà, les travailleurs doivent participer à la gestion de leur entreprise, ce qui est une version encore différente, une vision différente de ce que le mouvement syndical socialiste, la FGTB, a porté, où là on parlait plutôt de contrôle ouvrier. C'est-à-dire, les entreprises doivent appartenir aux travailleurs, c'est eux qui doivent contrôler la manière dont la production est organisée, etc. Et donc, on peut tout à fait penser d'autres modèles. Moi, ici, je me prononce plutôt par rapport au modèle historique que l'on voit à l'œuvre. Et donc, pour revenir sur la question de qu'est-ce qui explique les rapports de force, il y a évidemment la question de la prise de conscience. On vient d'évoquer mai 68. Les grèves, de manière générale, sont, à partir du moment, en tout cas, où elles durent un certain temps, souvent source de prise de conscience de la part des travailleurs, de prise de conscience que sans eux, l'entreprise elle ne tourne pas, et que d'une certaine manière, c'est eux qui font la richesse aussi de l'entreprise, et que ce qui leur revient sous forme de salaire, à partir de cette richesse produite, doit pouvoir être négocié avec le patron. Et généralement, dans les cas des grèves, c'est souvent à la hausse, ou en tout cas contre une certaine baisse, par exemple. Donc, il y a là des moments qui sont importants. Alors après, il y a aussi tout le rôle de la culture, des organisations d'éducation permanente, comme on les appelle en communauté française, toutes ces associations qui font un travail de conscientisation, de décryptage de comment fonctionne la société, quelles sont, sur le plan économique, ces façons de fonctionner, quels sont les enjeux, etc. Le mouvement syndical, bien entendu, avec aussi sa dimension d'éducation permanente, est aussi un acteur important dans la manière de façonner les représentations, de propager certaines idéologies. Et on l'a dit, ce ne sont pas tous avec les mêmes idéologies qu'ils fonctionnent, que ce soit la CSC, la FGTB ou le syndicat libéral, la CGSLB. Les conceptions idéologiques ne sont pas les mêmes. Donc ça leur permet de travailler parfois ensemble, mais parfois aussi d'avoir des actions qui sont tout à fait séparées, voire contraires éventuellement de part et d'autre. Il y a aussi le rôle de la presse, des médias. Quelle est la vision du monde, quelle est la version d'une information qui est communiquée dans la presse, ça va dépendre d'un cas à l'autre. La manière dont sont présentées les évolutions, les transformations économiques ou technologiques ou sociétales va aussi évidemment avoir une forte influence sur la population au sens large, donc y compris les salariés ou les indépendants, etc. Donc on voit bien que pour essayer de se demander finalement comment les rapports de force s'établissent au sein de la société, on a parlé du rapport capital-travail, mais ça peut aussi être sur d'autres plans, la conception de l'écologie contre le productivisme par exemple, tout ça dépend aussi de toute une série de représentations qui sont forgées à travers toutes les expériences qu'on a au quotidien avec les milieux associatifs, avec les milieux syndicaux ou patronaux, avec la presse, avec les discussions aussi en famille, entre amis ou avec des inconnus. Donc on a là des choses qui sont toute une série de canaux qui viennent façonner les représentations que chacun a. Alors par rapport au 19e, au 20e siècle, où la pilarisation était forte, on voit aujourd'hui, et depuis les années 60, qu'il y a eu un fort mouvement de dépilarisation, c'est-à-dire qu'on a une autonomie beaucoup plus grande des personnes dans la société, alors que ce qu'on appelait la pilarisation avait tendance à souder, mais aussi forcément à unifier, voire à uniformiser davantage la pensée au sein du pilier socialiste, au sein du pilier chrétien, ou bien dans les associations libérales. Aujourd'hui, tu trouves que... Parce que quand tu parles d'uniformiser la pensée, on est dedans, là. Oui, mais ça ne passe pas de la même manière. Ce n'est pas à travers différents piliers, à travers leurs canaux, qui étaient les canaux syndicaux, coopératifs, mutualistes, ou même des partis politiques. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun peut davantage se forger sa propre opinion sur la base des éléments de connaissances qui sont à sa disposition, mais en même temps, évidemment, avec... Des canaux d'information qui sont beaucoup plus dominants que d'autres. Il est clair qu'on va avoir des journaux qui vont plutôt constituer des formes de soutien à l'économie capitaliste telle qu'elle existe, telle qu'elle se développe, se transforme, qui vont avoir une voix importante, et c'est à ça qu'on fait allusion quand on dit une pensée unique ou une pensée dominante en tout cas. On a, il faut le reconnaître aussi, des organes de presse qui sont tout à fait à contre-courant par rapport à cela. Mais souvent, ce que les gens qui apprécient ce type de presse plus à contre-courant relèvent, c'est qu'elles sont plus confidentielles, plus difficiles d'accès d'information. Évidemment, on arrive aussi avec la question des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on s'aperçoit, on en a bien pris conscience au cours des derniers mois, que les réseaux sociaux, avec la manière dont ils fonctionnent, les algorithmes, etc., ont plutôt tendance à nous apporter des informations qui coïncident avec ce que nous cherchons, mais aussi avec ce que nous voulons entendre. Et que donc, on ne va pas tellement nous mettre en confrontation avec des points de vue qu'on ne partagerait pas à première vue, d'après ce que l'ordinateur a pu analyser de nos comportements, mais l'algorithme va plutôt nous renvoyer vers ce qu'on aime déjà. Et donc, finalement, les algorithmes servent en quelque sorte à prêcher des convaincus, à les renforcer dans leurs convictions, mais dans leurs convictions de part et d'autre. Et donc, avec toute une série d'oppositions dont finalement on pourrait ne plus être tout à fait conscient, parce qu'on se dit les gens qui sont autour de moi, et en tout cas ceux que j'aime, ils pensent comme moi, au moins. Et donc on n'est plus tout à fait dans la culture du débat qui fonde la démocratie telle qu'on se l'imagine, avec des intérêts différents, avec des organisations qui portent des intérêts différents, et avec des confrontations d'idées dans le débat démocratique, dans le débat public, dans le débat médiatique, dans les assemblées parlementaires par exemple. C'est oui, mais on parle de technologie, mais c'est déjà le cas hors technologie. Hein. Souvent, les gens, ils ont leur petite famille, leurs petits amis, et on ne sort pas de sa petite bulle, quoi, comme on parlait. Mais oui, on regarde le temps, mais est-ce que le gouvernement est en crise, selon toi? Parce que c'était ça aussi la question de base, et puis de voir, peut-être encore dire quelques mots sur cette... J'ai bien compris que tu parlais de rapport de force entre... Donc c'est ce pouvoir des travailleurs qui créent des choses, mais c'est pas tout seul qui l'ont créé hein, pour créer cette sécurité sociale. C'est aussi avec les pouvoirs politiques, c'est aussi avec le patronat. Donc ça, c'est pour toi l'explication, c'est du rapport de force quoi en fait. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement arrive à pouvoir dire très haut et que tout le monde le répète hein. Après, il faut aller chercher pour comprendre et voir en fait que c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas d'argent. Mais donc les rapports de force sont à la fois politiques, sont à la fois économiques, et petit à petit, et c'est pour ça que j'ai insisté à la fois sur les rapports de force et sur la question des idéologies qui, elles aussi, sont en tension, et les rapports de force sont aussi des rapports de force à caractère idéologique, effectivement. La lecture, la grille d'analyse qui est devenue dominante, disons, au cours des dernières années ou des dernières décennies, effectivement, insuffle l'idée que aujourd'hui, ce qui fait la prospérité, ce sont les entreprises, et que donc les entreprises doivent être favorisées pour créer de la richesse. Ce à quoi les organisations syndicales notamment répondent, bah, sans travailleurs, il n'y a pas non plus de création de richesse. Et donc on est dans une situation où effectivement, il est devenu globalement admis, mais ça ne veut pas dire que tout le monde souscrit à ce point de vue, que les pouvoirs publics doivent favoriser les entreprises pour qu'elles donnent des résultats, que les finances publiques doivent être assainies et que donc on doit restreindre l'endettement public et donc mener des politiques d'austérité. Donc il y a toute une série finalement d'idées qui se sont progressivement imposées, qui se sont imposées à toute une série de partis politiques. Ici, quand je dis cela, ça n'est pas seulement au niveau des partis libéraux ou des partis chrétiens. On voit bien aussi que toute une série de partis socialistes ou sociodémocrates ailleurs en Europe, finalement, on fait leur ces idées d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, la manière dont les libéraux vont essayer de les mettre en avant ou les socialistes vont essayer de les mettre en avant ou de les freiner ne va pas être la même, puisqu'il y a aussi des tensions politiques, des tensions idéologiques entre eux. Aujourd'hui, la composition du gouvernement fédéral, sur la base des résultats des élections, et les élections, comment est-ce qu'elles se déroulent, là aussi, parce qu'il y a des campagnes électorales, il y a des luttes d'influence, etc. Et donc, les gens finissent par poser des choix électoraux, des choix politiques, dont ensuite, en tout cas dans le système belge, les hommes et femmes politiques doivent s'emparer pour essayer de former des coalitions. Alors évidemment, avec des gens qui sont largement déçus, et ils sont plus nombreux du côté francophone que du côté flamand, puisque en plus, en Belgique, on a cette particularité que le paysage politique est quand même très très différent du côté nord et du côté sud de la frontière linguistique, avec la gauche qui est plutôt dominante en Wallonie et en partie à Bruxelles, ça dépend un peu des élections, alors qu'en Flandre, elle est réduite à une portion beaucoup plus congrue et que la droite y domine. Et finalement, après une série de pérégrinations, c'est un gouvernement fédéral qui s'est mis en place au mois d'octobre 2014 avec une composition qui est relativement marquée à droite. Et donc, le gouvernement peut s'appuyer alors sur la vision qui consiste à dire qu'il faut travailler plus longtemps, il faut mener des politiques d'austérité pour essayer de faire avancer ces mesures. Et quand je dis essayer de faire avancer, puisqu'il dispose d'une majorité à la Chambre, il a la possibilité de les faire avancer. La démocratie, ce ne sont pas seulement les élections, c'est aussi toute une série toute une série d'implications de la part de citoyens dans des mouvements associatifs, dans des mouvements syndicaux, etc. Et donc toute une série aussi de mouvements associatifs et syndicaux ont fait entendre leur voix à travers des manifestations, à travers des grèves, des parades en ce qui concerne tout autre chose ou Hart Bovenhard. Donc une coupure de pile, de courant, comme on pourrait croire, on pourrait dire. Donc voilà, il y a une coupure et je repose alors la question à Jean, je ne me souviens plus, Jean Faniel. Jean Faniel, voilà. Donc, selon lui, puisqu'on n'arrête pas d'entendre ça, que le gouvernement est en crise, le gouvernement n'a pas d'argent pour cette sécurité sociale, qu'elle coûte trop cher, qu'il faudrait la supprimer, enfin, en tout cas, avoir affaire à elle le moins possible. Je demande, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean Faniel ? Et donc il y a des rapports de force, des rapports de force politiques, des rapports de force économiques qui sont en jeu. Et le gouvernement qui a été mis en place en 2014, à la fois peut s'appuyer sur le discours des discours de la Commission européenne ou du patronat, par exemple, pour dire qu'il faut réduire un certain nombre de dépenses publiques et notamment de dépenses sociales, et donc notamment en matière de sécurité sociale, pour dire aussi que la société ayant changé, il est important de changer les choses. Évidemment, ce que les syndicats, par exemple, qui ont mené des oppositions assez importantes, ou les milieux associatifs, qui ont participé à des manifestations, des grèves, etc., comme on les a vus en 2014, en 2015 et encore en partie en 2016, se disent ou renvoient comme discours, c'est qu'en fait, c'est peut-être aussi une question de répartition des richesses, finalement, entre le patronat et le monde du travail qui est en cause, et que donc décider de réduire les dépenses sociales ou de réduire les cotisations de sécurité sociale, ça va surtout bénéficier aux entreprises qui vont ensuite pouvoir dégager plus de dividendes. Donc là, on sent bien qu'on est vraiment dans une confrontation entre le gouvernement et les appuis, en quelque sorte, qui sont les siens, au niveau patronal, au niveau européen, et d'autre part, les milieux syndicaux, associatifs, et évidemment avec certains partis d'opposition aussi, opposition au niveau fédéral, que ce soit les socialistes, les écologistes, le PTB, etc. Donc on est vraiment là dans un rapport de force qui est très net, avec certaines réalités objectives, notamment sur le plan économique, mais aussi avec une lecture que l'on fait. Et à un moment donné, si on dit « il n'y a pas de moyens », on peut soit se dire « comment est-ce qu'on fait avec le manque de moyens ? Quelle réduction de dépenses est-ce qu'on doit faire ? Quelles économies est-ce qu'on doit faire ?» Soit se dire « s'il n'y a pas assez de moyens, il faut trouver d'autres moyens ». Et donc certains disent « il faut par exemple revoir ce que l'on paye en remboursement de la dette, éventuellement annuler une partie de la dette. Il faut un impôt sur les fortunes ou bien il faut une révision de la fiscalité, de manière justement à aller rechercher des moyens plutôt que de dire qu'on n'a pas assez de moyens et que donc on ne peut pas faire assez de dépenses. » Donc il y a des changements de perspective, des points de vue qui s'opposent de manière évidemment très très importante et avec toutes les conséquences que ça a. Et là, chacun peut le voir au niveau de son quotidien, dans le remboursement des soins de santé, dans le niveau des allocations de chômage, dans le montant des pensions ou le nombre d'années que l'on doit travailler pour cotiser pour sa pension, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment des rapports de force très importants et qui, en démocratie, évidemment, se traduisent, se concrétisent à travers les élections, élections qui permettent de constituer des gouvernements. Et en l'occurrence, en 2014, le gouvernement qui a été constitué au niveau fédéral est un gouvernement qui est assez marqué à droite. On va terminer, t'inquiète. Mais tu dis des choses, j'ai envie de réagir, mais par exemple, les votes et compagnie, c'est pas vraiment, en tout cas surtout aujourd'hui, peut-être derrière aussi, dans le passé aussi, mais je veux dire, c'est pas une manière de voir la démocratie. Enfin, il y a plein de gens qui en ont marre des politiques, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, quand on sait que le pouvoir, enfin, c'est quand même énorme de se dire ça, c'est-à-dire que avec Yvan Mayer, le PS, et puis à mon avis, il y a plein de gens qu'on n'entend pas encore parler, mais ils peuvent tous regardez qui a détournement de l'argent et en plus de l'argent public, quoi. C'est quand même énorme tout ça. Enfin, on n'arrête pas de justifier le fait qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise, que. Mais moi, j'ai le sentiment en fait qu'il y en a de l'argent. Et par exemple, peut-être, enfin, tu peux me dire si je me trompe ou je suis à côté de la plaque, mais moi, c'est vraiment ce que je crois. Je pense qu'il y a vraiment. On dit qu'il n'y a pas d'argent et puis quand vous vous promenez. Simplement en ville, vous voyez à tel endroit, on a rénové carrément quelque chose, mais qui est rentable, qui doit ramener de l'argent, c'est pas simplement, vous savez, comme l'éducation ou des choses comme ça, c'est, voilà. Donc il y a de l'argent, mais pour certaines idées, quoi, pour certaines valeurs, qui est de nouveau toujours cette histoire d'argent pour de l'argent. Et on est vraiment aujourd'hui là-dedans, c'est-à-dire dans une société où c'est l'argent roi, c'est l'argent qui domine. Moi, je vois bien qu'il y en a, mais on le met à un mauvais endroit, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Et puis, pour parler de la représentation des politiques, je crois qu'il faut laisser tomber cette idée. Enfin, quand on voit Macron en France qui a été... Enfin, il y a plein d'abstentions, c'est une minorité qui a voté pour ce bonhomme et il est au pouvoir maintenant. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de plus de mouvement citoyen, de gens qui vont se détourner complètement de cette politique. Et puis tout est fait pour. Je veux dire, les médias montrent bien que le politique est vraiment une sale matière, que c'est tous des corrompus. Et peut-être c'est vrai, depuis la nuit des temps, ça l'est. Mais aujourd'hui, peut-être qu'avec la technologie, les médias et compagnie, maintenant, on peut vraiment mettre ça au grand jour. Donc voilà, moi, je pense que... Il y a un super projet de société qui est là, qui est en place avec cette sécurité sociale, parce que ça donne de la santé incroyable. Je veux dire, si demain on touche à ça, ça va être 50% de pauvres en plus. Enfin, c'est quand même énorme. J'ai lu ça récemment. Donc, voilà. Après, on arrête là-dessus. C'est-à-dire, pour moi, le gouvernement, il a de l'argent. Est-ce que j'ai tort de penser comme ça ou bien Alors, c'est clair que dès qu'on parle de répartition de l'argent, on parle de choix politique. Dans quoi est-ce qu'on investit? Quels sont les choix de société qui sont faits? Est-ce qu'on va investir dans l'enseignement ou dans d'autres domaines? Dans l'enseignement, si on investit, dans quoi est-ce qu'on va investir? Plutôt dans les sciences et les technologies qui vont amener des dérivés industriels, économiques, etc. Ou bien plutôt dans la formation générale, la culture, la citoyenneté, etc. Et donc, il y a toute une série de choix politiques qui sont des choix à caractère financier, économique, c'est évident. Et quand on dit, par exemple, en politique, il y a la gauche, il y a la droite, et qu'on essaie de distinguer ce qui est de gauche et ce qui est de droite, il est clair qu'il faut regarder les programmes dans leur versant économique, dans leur versant de fiscalité, pour voir vraiment quelle est la répartition des richesses qui est voulue. Et c'est aussi ça qui marque vraiment les choix politiques. Et on a bien vu aussi que la sécurité sociale, dans sa conception, a évolué. On est passé d'une sécurité sociale qui devait garantir la prospérité de tous, la stabilité aussi, après des périodes très, très difficiles, très conflictuelles, avec les deux guerres mondiales et les ravages qu'elles ont engendrés. On a voulu faire une sécurité sociale qui soit aussi un moteur économique, parce qu'à partir du moment où les gens ont des revenus de remplacement, les retraités, les chômeurs, etc., ils peuvent aussi participer à l'économie et à la manière dont elle fonctionne. Alors, petit à petit, on a, en fonction de choix politiques, de choix idéologiques, on a eu une évolution vers une sécurité sociale qui a plus été utilisée, alors, à la limite, comme un levier vers plus de compétitivité pour les entreprises. Donc, à la fois, on avait des changements de perspective au niveau politique, au niveau idéologique, d'idéologie dominante, hein, comme on le disait tout à l'heure, et à la fois, on avait là des éléments économiques très très importants, puisque la sécurité sociale, c'est une manne financière très importante, et donc il y a des choix politiques. Comment est-ce qu'on va utiliser la sécurité sociale pour répondre aux besoins sociaux, plutôt pour favoriser la compétitivité des entreprises? Il y a là donc des choses, des questions qui se posent, et des choix politiques qui sont faits avec des implications financières, économiques qui sont évidentes. Donc je pense qu'on peut tout à fait dire ça. Dernier mot sur tout ça, la question que j'aurais pas posée, que vous avez envie de dire comme ça naturellement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur tout ça au bout du bout? Ou pas sur tout ça, sur autre chose, hein, moi. Par rapport, je pourrais évoquer mon petit déjeuner de ce matin, mais je crois qu'on sortirait beaucoup du sujet. Si on revient à la question de la démocratie, c'est clair, aujourd'hui, on le voit dans les différents pays, on a affaire à une sorte de crise de la démocratie, avec toute une partie de la population qui considère que, mais finalement, aujourd'hui, les systèmes démocratiques n'apportent plus le bien-être, n'apportent plus la prospérité de tous à laquelle on est en droit d'aspirer, et donc se détournent finalement de la démocratie. Ça se voit peut-être moins en Belgique parce que le vote est obligatoire, mais c'est un sentiment que l'on retrouve aussi en Belgique et bien entendu ailleurs. Mais en même temps, on voit aussi qu'on a un autre mouvement qui est un mouvement très critique de la démocratie, mais qui, au contraire, ne veut pas jeter la démocratie et le bébé avec l'eau du bain, en quelque sorte, mais veut plus de démocratie, une autre forme de démocratie. Et c'est ainsi que beaucoup de gens réfléchissent à la question du tirage au sort, à la question du tirage au sort des représentants, à la question des formes de démocratie directe, par les référendums, par les consultations populaires, à la démocratie participative, avec les budgets participatifs, comme on les a vus à Porto Alegre au Brésil, par exemple, et comme ça a un peu essaimé en Europe. Europe notamment. Donc on voit que la démocratie aujourd'hui est fortement mise sous pression de la part notamment des citoyens, mais avec des réponses qui sont très différentes. Pour les uns, c'est la démocratie, ça ne fonctionne pas, donc il faut revenir à des régimes plus durs, éventuellement plus violents aussi, alors que pour d'autres, c'est au contraire, il faut plus de démocratie, il faut plus d'implication des citoyens pour que les choix soient véritablement des choix collectifs.